Chapitre 12. Quelque temps après, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim. Ils se mirent à cueillir des épis de blé et à en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde, tes disciples font ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses gens avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu, et lui et ses gens mangèrent les pains offerts à Dieu. Il ne leur était pourtant pas permis d'en manger. Notre loi ne le permet qu'aux prêtres seuls. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que le jour du sabbat, les prêtres en service dans le temple n'observent pas la loi du sabbat, et cela sans être coupables ? Or, je vous le déclare, il y a ici plus que le temple. » Si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'Écriture, c'est la bonté que je désire, et non des sacrifices d'animaux. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus partit de là et se rendit dans une de leurs synagogues. Un homme s'y trouvait, qui avait la main desséchée. Ceux qui étaient là voulaient accuser Jésus de mal agir. C'est pourquoi ils lui demandèrent, « Notre loi permet-elle de faire une guérison le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « Si l'un d'entre vous a un seul mouton, et que celui-ci tombe dans un trou profond le jour du sabbat, n'ira-t-il pas le prendre pour le sortir de là ? Et un homme vaut beaucoup plus qu'un mouton. Donc, notre loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. » Jésus dit alors à l'homme, « Avance ta main. » Il l'avança, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens s'en allèrent et tinrent conseil pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Quand Jésus apprit cela, il quitta cet endroit, et un grand nombre de personnes le suivirent. Il guérit tous les malades, mais il leur recommanda sévèrement de ne pas dire qui il était. Il en fut ainsi afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, dit Dieu, celui que j'aime et en qui je mets toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera mon jugement aux nations. Il ne se disputera avec personne et ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Il ne brisera pas le roseau courbé et n'éteindra pas la lampe dont la lumière faiblit. Il agira ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et toutes les nations mettront leur espoir en lui. » On amena alors à Jésus un homme qui était aveugle et muet parce qu'il avait un esprit mauvais. Jésus guérit cet homme de sorte qu'il se mit à parler et à voir. Toutes les foules étaient remplies d'étonnement et disaient, « Serait-il le fils de David ?» Mais quand les pharisiens les entendirent, ils déclarèrent, cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Belzébul, leur chef, lui en donne le pouvoir. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Toute ville ou toute famille dont les habitants ou les membres luttent les uns contre les autres ne pourra continuer à exister. Si Satan chasse ce qui est à Satan, il est en lutte contre lui-même. Comment donc son royaume pourra-t-il continuer à exister? Vous prétendez que je chasse les esprits mauvais parce que Belzébul m'en donne le pouvoir. Qui donne alors à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et voler ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Mais après l'avoir lié, il peut tout voler dans sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. C'est pourquoi je vous le déclare, les hommes pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute parole mauvaise qu'ils prononcent. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. L'homme qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne recevra de pardon ni dans le temps présent, ni dans le temps à venir. Pour avoir du bon fruit, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un mauvais arbre, vous aurez du mauvais fruit. Car on reconnaît un arbre au genre de fruit qu'il produit. Bande de serpents, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor de bien. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son trésor de mal. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé, et déclaré soit innocent, soit coupable. Alors quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, nous voudrions te voir accomplir un miracle. » Jésus leur répondit en ces mots, « Les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu demandent un miracle, mais aucun miracle ne leur sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront. Car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas, et il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des endroits desséchés en cherchant un lieu où se reposer. Comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. » Il y retourne et trouve la maison vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils reviennent ensemble et s'installent là. C'est ainsi que finalement l'état de cet homme est pire qu'au début. Et il en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Comme Jésus parlait encore aux foules, sa mère et ses frères arrivèrent. Ils se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, « Écoute, ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te parler. » Jésus répondit à cette personne, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il désigna de la main ses disciples et dit, « Voyez, ma mère et mes frères sont ici. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur ou ma mère.